dans un père. C'est Oli. O-L-I. La Bible des petits. Je suis pas petit. Je suis grand. Bonjour, je suis Sophia Aram. Et je suis Séverine Vidal. Nous allons vous raconter l'histoire des papiers d'Omar. Un jour, dans les couloirs de mon école, j'ai rencontré Omar. Ça me paraît loin, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses depuis. Au tout début de la première seconde, de la première minute de notre rencontre, c'était juste le monsieur avec le balai qui fait le ménage dans ma classe. Après l'école, les élèves qui restent à l'étude prennent leur goûter dans la cour. C'était le moment où Omar faisait sa pause. Moi, assise sous le seul arbre de la cour, j'aimais beaucoup le regarder. Un jour, il m'a fait un grand sourire, un sourire brûlant, un peu triste. On a commencé à se parler, tranquille. Chaque soir, Omar et moi, on s'est raconté nos vies, ma toute petite et sa grande histoire à lui. Omar a fait un très long voyage jusqu'à la France. Il a traversé des mers, des routes, des chemins. Il a quitté son pays et sa famille à cause de la guerre. Omar pleurait presque parfois. Mais je voyais quand même son sourire caché sous les larmes. Lui qui disait toujours « On n'a qu'une vie, Louve !» En l'écoutant, moi j'en vivais mille. Omar a vécu tellement d'aventures, des aventures incroyables, de quoi remplir tout un livre. Il m'a demandé de raconter mes rêves. « Tu veux faire quoi plus tard, quand tu seras la grande Louve ?»« Moi, je voudrais être poète, mais papy dit que c'est pas un vrai métier, ça. » Omar m'a répondu « Il a de drôles d'idées, ce papy. Il faudra qu'on se parle, lui et moi. Poétesse, c'est bien. C'est très bien. » Et puis un jour, à l'école, un lundi gris pourri, on a entendu des bruits de pas bizarres, des portes claquées, et par la fenêtre, des gyrophares bleus éclairaient la salle de classe. On a eu très peur. Le maître est allé voir ce qui se passait. En revenant dans la classe, il a dit « C'est Omar. Vous savez, le monsieur du ménage ?» Les policiers sont venus ici pour l'emmener. Il doit retourner dans le pays où il est né, parce qu'il n'a pas de papier. Dans ma tête, tout s'est complètement fermé. Alors j'ai dit, mais des papiers, il y en a plein dans la classe, on va lui en donner. Le maître a souri. Pas du papier comme ça, Louve. Des papiers sur lesquels il y aurait écrit qu'Omar peut rester ici, en France. C'était l'heure de la récré, alors on est sortis dans la cour. Dans le rang, j'ai parlé d'Omar. J'ai dit que c'est mon ami. Les copains aussi s'inquiétaient. Sauf un, Billy, qui a dit « Qui ? Celui du ménage ? Bof, je m'en fiche, moi. » Depuis l'arbre de la cour, j'ai vu Omar sortir entre deux policiers. Ses yeux regardaient partout, tout agités. Il me cherchait, c'est sûr. J'avais ma bande avec moi. Zayn, Naya, Léon et Vanny. « Venez, c'est trop injuste. Il est gentil, Omar, et il n'a rien fait de mal. » Billy a pris son air fâché, comme si c'était lui le chef. « N'importe quoi, on va jouer plutôt. » J'ai rien écouté, il m'énerve, Billy, et j'ai couru vers Omar. Les autres m'ont suivi. Vous imaginez, Louve et sa meute. On a fait comme une grande ronde autour de lui. J'ai crié « Personne n'approche, on vous laissera pas l'emmener. » Même Omar essayait de nous raisonner. « Ne vous mêlez pas de ça, les enfants. Allez manger le goûter, c'est rien. » À lui non plus, on n'a pas obéi. Au début, c'était pour montrer qu'on n'était pas d'accord. « Omar, c'est notre ami. » Et puis, c'est devenu de la poésie. Ça rimait. « Notre école, c'est chez lui. Omar est le bienvenu ici. » D'autres élèves nous ont rejoints. Isaac, Blanche, Naël. On criait, on chantait en regardant les policiers. « Omar, c'est notre ami. » Notre école, c'est chez lui. Omar est le bienvenu ici. Il y en a un, je crois qu'il m'a fait un clin d'œil. Mais je suis pas sûre. Les maîtresses et le maître sont arrivés. Ils nous filmaient. Celui qui avait l'air d'être le chef des policiers a décidé de repartir sans Omar. Mais on reviendra. À 4h30, on a tout raconté aux parents, aux grands frères et sœurs, aux nounous, aux grands-parents. Il était hors de question de rentrer chez nous en laissant Omar tout seul. Et si la police revenait le chercher ? La maman de Selma est avocate. Ça veut dire que son métier, c'est de défendre les gens qui ont de gros problèmes, comme Omar. Elle a passé beaucoup de temps au téléphone. Le père de Blanche est éducateur. Il l'aidait. Ça avait l'air compliqué. Les adultes se pressaient autour de notre Omar. Ils disaient des mots tordus, j'y comprenais rien. Titre de séjour, centre de rétention, expulsion. Une poésie, avec des rimes aussi, mais pas très jolie. D'autres parents sont arrivés à la fin de l'étude. Certains ont repris leurs enfants en râlant. Maman a aidé à peindre sur une grande banderole « Des papiers pour Omar ». Et sur une autre, en rouge, en vert, en violet, « Ils n'ont pas de papier, mais ils ont des droits ». Toute l'école s'est organisée. On s'est relayé, on a même parlé de nous à la radio et à la télé. C'est dingue, non ? Quelqu'un surveille l'entrée. On a décidé d'un code. 3 coups de sifflet pour annoncer l'arrivée de la police. S'ils reviennent, on est prêts. On se remettra autour d'Omar pour faire rempart. Les parents de Ram et Asmar ont commencé à porter des plats à partager. Tous les adultes cuisinent et on fait des pique-niques géants dans la cour ou sous le préau quand il pleut. On se régale et on rigole. Ce qu'on fait, paraît que ça s'appelle occuper l'école. On dort sur des matelas. Le soir, Omar nous raconte des histoires. Dans son pays, son arrière-grand-père, son grand-père, son père étaient des griots, des conteurs d'histoires. Des histoires qui ne sont pas dans les livres, mais qui se racontent au coin du feu. Bon, ici, c'est au coin des tapis de sport, mais c'est pas mal non plus. Il nous a dit qu'il a toujours eu peur de se faire arrêter, dans la rue, dans le métro. Il a dit que c'est énervant, que ça lui donne l'impression d'avoir fait quelque chose de mal. Il dit que parfois, il se met à courir, comme ça, pour rien. Moi, je voudrais courir avec lui, moins vite, derrière, à la traîne, parce que j'ai des petites jambes, mais quand même. Ce soir, je suis rentrée chez papy. Il n'est pas très d'accord avec tout ça. Ça sert à rien ce que vous faites, Louve. À rien du tout. Vous perdez votre temps. Bon, sur le coup, moi, j'ai rien répondu. Mais plus tard, dans mon lit, avant de m'endormir, j'ai pensé à ce que je pourrais dire à papy. Je lui ai dit, en criant très fort dans ma tête, ça m'a défoulée. En vrai, je ne crie jamais sur papy, il est trop vieux. N'importe quoi, ça sert beaucoup, ça sert à montrer qu'Omar, il n'est pas tout seul, ça sert à faire quelque chose tous ensemble. On sera peut-être de plus en plus à la fin, et on sera énormément d'humains, derrière Omar. Et toc, dans tes dents, papy. J'ai eu du mal à dormir ce soir-là. Ça me fait mal au cœur d'habiter dans un pays qui dit aux gens comme Omar, « Va-t'en, tu déranges. » J'ai pas fermé l'œil, moi. On a attendu, attendu longtemps, des semaines. Maintenant, on n'attend plus, on espère, a dit le maître. Enfin, un matin de grand soleil, la maman de Selma est arrivée avec la bonne, la belle, la merveilleuse nouvelle qu'on voulait tous entendre. Omar avait enfin des papiers, des vrais, avec le tampon et tout et tout. Il a le droit de rester en France, de garder son travail pour de bon et de vivre avec sa famille. On a décidé d'organiser une jolie fête dans la cour de l'école le lendemain. Omar avait préparé un discours qu'il a dit tout doucement. Il fallait tendre l'oreille pour l'écouter. Il a dit « Je sais que je ne suis pas tout seul. Non, je ne suis plus tout seul. » Avec mon verre de faux champagne, je me suis approchée de lui. Il m'a fait ce sourire brûlant. Le même sourire qu'en début d'année, quand on est devenus amis. Hier, j'ai revu papy. Je lui ai tout raconté. Je lui ai dit que l'autre jour, il s'était trompé. Que ce qu'on a fait, ça n'était pas rien. Comme le chant des oiseaux. La bonne odeur de la pluie dans le jardin. La musique qui fait danser. L'amour. L'amitié. La poésie. Le souvenir de mamie. Et les autres trucs comme ça, qui ne se voient pas, c'est pas rien non plus. Plus tard, je penserai toujours à cette aventure qu'on a vécue tous ensemble pour garder Omar avec nous ici. Et puis, je serai poète, comme lui. J'inventerai des mots qui se disent sur une scène ou au coin du feu, qui s'écrivent, se chantent, se dessinent, passent des uns aux autres. Des mots pour changer le monde. Voilà, l'histoire est finie. Et maintenant, au lit. Oh.